Les murs qui respirent dans le noir étrange, des taches de couleurs qui vibrent et qui changent, l'ombre déformée en danse infinie, le miroir.